sans beaucoup de peine. Quand tu n'es pas là, parfois même de la haine, parfois de la joie. J'ai le front brûlant de fièvre quand je pense à toi. Toi, toi, toi. Moi je ne veux pas aimer. C'est bien mieux comme ça. Je ne veux pas être enchaîné. C'est bien mieux comme ça. J'aime bien trop ma liberté. Si t'as peur de l'amour, vivons jour le jour. C'est bien mieux. Oui, oui, je prends la vie comme elle vient. C'est bien mieux comme ça. Je prends mes joies à pleine main. C'est bien mieux comme ça. Car ma jeunesse est mon seul bien. Il faut en profiter là dont tu le sais. Est un danger. Toi, tu ne sais pas combien je me sens triste quand tu n'es pas là. Viens, tout contre moi. Et comme moi, dis-moi que tu m'aimes. Oublie donc ce rêve insensé. C'est bien mieux comme ça. Ne te traîne pas à mes pieds. C'est bien mieux comme ça. Je suis libre et veux le rester. À quoi bon insister, pourquoi t'accrocher? Elle ne veut pas t'aimer. Ne te traîne pas à mes pieds. C'est bien mieux comme ça. Je suis libre et veux le rester.